Hey, t'entends pas ou quoi? Attends, je mets une dernière. Hey, c'est reparti. Lefty, Jackie et Benji. Tu crois pas? Calmement. Quand tu crois que j'ai tout dit, j'arrive avec un truc nouveau. Quand tu crois que c'est fini, je remets les pendules à zéro. Lâche ta dernière parole et je crache le dernier mot. Lyrics WW, jamais à court de flow. Faut que m'assure que quand je ça crée la panique. Autant de larmes et de cris que dans le Titanic. Jackie s'en part du mic et personne conteste. Je te le dis même en anglais, Magno Contest. C'est pas de ma faute si je suis un éternel insatisfait. Tu me trouves trop cruel, mais à la longue puissance s'y fait. Je mets mon ennemi à terre et je mets coups de pioche dans la bouche. Je te jure que plus jamais ce mec-là osera me dire un truc louche. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Ah bon, t'as le mort, t'as cru qu'on faisait péter le truc fort. Pour qu'après tu te rendormes, Jackie. FD, Benji, tu te plains déjà. Si ça finit tout de suite, c'est qu'on l'a fait gratis. C'est FD Street, buteur automatique de vibe. Ça tire sans cesse, collectionne les balles. Tant qu'il en reste, on tue ça à l'égal. Si t'aimes pas, t'égales. Tant que les cistas se régalent, on donne ça calmement. Même si j'ai la vie qui fait peur à belle maman. Si t'es die, ressuscite, j'ai une rafale qu'attends. Diplomatique côté, c'est trop d'un coup, tu voulais que je fasse comment hein? Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. J'ai dû charger une bastose de plus. Pour mes gars, il faut que ça défouraille deux fois plus. Voici une nouvelle collabo du tonnerre, ma puce. FD Jackie et Benji pour son premier opus. Fake, rime après rime, multiplie les crimes, trop de victimes. DJ Rimmer à cage, je suis un vrai chasseur de primes. Suce ma sick, même n'est pas les dents, tu peux te faire mal. Faut que ça saigne sur l'instrumental. Hey, ne joue pas dans la roulette russe quand je suis dans le barillet. Vaut mieux que tu défiles car ça pourrait mal tourner. Y'a une chance sur six que Benji te punisse. Avant de fesser la gâchette, vaut mieux que tu une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. J'suis tellement schizophrène, appelle-moi un animal. J'enfonce mon index dans ton oeil pour m'assurer que t'as mal. T'es déjà sur le corbillard, mais j'lâche une dernière balle. C'est Benji, Jacques et Brunner, il fait phénoménal. Pop, pop, pop, pop, pop. Genre, t'es une, on sait jamais. Si j'la rate, c'est sur moi que ça retombe. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Parce que si c'est pas moi qui vise, c'est des enfoirés qui me plombent. Ils veulent nous stop, stop, stop. Say, personne ne bouge, personne ne sera acté. Bang, bang, bang, une dernière balle pour être sûr que t'as capté. C'est de la boucherie, c'est de la balle. Et on ne va pas s'en priver. Phénoménal, FD, Jacques. Benji, hey, t'entends pas, tu crois pas, t'entends pas. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. Une dernière balle pour être sûr, on t'aura à l'usure. Pour faire deux fois plus mal, nettoyer c'est dans ma nature. Encore à 100 pour leur dire qu'on ne fait pas de demi-mesure. Faut pas que je tire mal sans cesse, faut que je fracture. On est là, on connaît ça. Et vous, Phénomène, Benji et Kija.